Pierre est dehors, devant le fort, là où nous l'avions vu défiler avec ses copains à l'automne. Sur ce chemin, à présent détrempé, et qui le mène devant la fenêtre de la cellule. Là, plus de sentinelles pour le chasser. Comme l'autre fois, il s'avance, se penche, agrippé au barreau. Laisse longuement ses yeux s'habituer à la demi-pénombre. Il fouille du regard, lentement, méticuleusement. Il n'y a personne. Pas de corps assis ou étendu. Plus rien. C'est comme si l'oiseau s'était envolé. Oui, c'est bien ça. D'une façon ou d'une autre, l'oiseau s'est envolé. Cette âme noire est devenue un grand oiseau au plumage chatoyant. Essuie les courants qui l'amèneront jusqu'à la chaleur de l'air. L'hiver est mort. Vive Toussaint. Pierre sourit. Il sait à présent où trouver des frères, des sœurs, une mère aux bras tendres et au rire chaud, tous bons et doux comme du sucre roux. Quelque chose s'est scellé en lui. Et s'il rentre à l'instant reprendre son service, il sait qu'un jour, il partira. Il ira vivre auprès de ceux de son choix. Il ne doute pas qu'ils lui feront une place. Et leur présence pour lui aura la chaleur de l'amour et la force de la liberté.